Moi j'ai prévu, bah, ça va peut-être aider à décider, moi j'ai prévu quelque chose. C'est la faute d'Arnaud. T'assumeras. Non, mais c'est très bien. Et, la commande était de faire quelque chose d'informel. Donc j'ai fait quelque chose d'informel. Donc ce qui relève plus d'une forme de discussion. Et Léonard a fait quelque chose de plus, je pense, solide. Non. Bon, ça. Oui, je ce que j'ai fait. Voilà. Donc oui, d'abord, je suis ravi de votre invitation à tous les trois, que j'ai accepté avec grand plaisir, d'autant que j'étais venu il y a 2 ans parler dans ce même lieu, je ne sais pas si c'est la même salle. C'était pas la même, enfin c'était presque le même lieu. Et donc avec plaisir et aussi avec angoisse, dans la mesure où on est 2 ans plus loin, et le bouquin a vieilli, j'ai vieilli, voilà. Et l'angoisse de revenir discuter de ces choses-là en disant quelque chose de nouveau en particulier. Alors que, pour me présenter en 2 secondes, moi je suis parti de l'université au moment où j'ai fait le bouquin. C'est-à-dire que c'était une des conditions pour arriver à le faire. Parce qu'on a parlé d'humour et ainsi de suite. Et je me reconnais complètement là-dedans. Moi je l'ai vécu comme quelque chose de douloureux et de très difficile. Un moment très compliqué. Enfin, voilà. Et le bouquin est évidemment pas très joyeux et pas très drôle, et ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'humour dedans. Bon, je ne suis pas sûr que l'éditeur l'aurait laissé passer, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, je peinerais à assumer l'humour du bouquin. Donc je suis 3 ans plus loin et je suis, par la force des choses, à la fois encore en. Dans l'université, dehors, puisque j'y suis plus, mais que j'ai continué à parler de l'université depuis la sortie du bouquin, beaucoup, sur un mode qui m'a valu... C'est très intéressant, j'ai pas préparé du tout les retours et autres, mais en discutant, les formes d'expérience sont extrêmement... Moi, ça m'a beaucoup nourri, toutes les rencontres possibles et imaginables autour de chaque présentation, et de manière très différente selon les disciplines. Ça aussi, je suis pas naïf complètement, mais évidemment... On ne parle pas de la même façon et, comment dire, ça ne se passe pas aussi bien chez en bio que en sociologie et autres. Je suis historien à la base, je n'ai pas dit, mais je ne résiste pas au plaisir de le dire, qui est quand même une discipline parmi, j'ai frayé avec beaucoup de gens maintenant, qui est quand même une discipline parmi les plus conservatrices en termes de recrutement, en termes de reproduction et des savoirs et des chercheurs et des universitaires et des méthodes d'enseignement et autrement. Passons. Mais cette réception-là, il me semble, en écoutant tout à l'heure, extrêmement, extrêmement intéressante. Il faudrait le faire à plat. Je ne l'ai pas fait, mais vraiment passer du temps à regarder ce que ça produit dans les différentes disciplines. Comme retour aussi, j'ai pas toujours très bien dormi après les conférences et après les discussions, mais globalement, l'idée de partager, de construire des formes collectives, moi, m'a beaucoup nourri. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors d'habitude, ce que je fais, c'est que j'essaye avec un peu de véhémence et un peu de colère de reprendre ce que j'ai mis dans le bouquin. Et là, je ne vais pas faire ça parce que la commande d'Arnaud était très serrée. Il a l'air de rien comme ça, mais c'était très serré. Prendre juste la fin du livre. Mais la fin du livre, alors, j'ai essayé de me plier à l'exercice, mais la fin du livre n'a pas de sens sans tout ce qui la précède, c'est-à-dire que d'un seul coup, les propositions que je faisais à la fin du bouquin deviennent une espèce de vœu un peu naïf, un peu pieux comme ça. Donc, il faut tout le reste pour l'étayer. Je reprends juste les trois bricoles et j'essaie d'être le plus court possible. Si jamais je dérive, vous m'arrêtez tout de suite. Parce que l'intéressant, encore une fois, c'est qu'on en discute. Moi, j'étais parti de l'idée de cette destruction de l'université française, qui me semblait être un constat pas foncièrement nouveau, mais de le prendre d'une manière... Moi, beaucoup, c'était pas le tracteur, mais on m'a beaucoup reproché de ce côté bulldozer dans le livre, qui essaie de tenir tout ensemble. Ça me semble extrêmement important, et plus j'avançais, ça me semble extrêmement important de tenir tout, c'est-à-dire et le LMD, LMD, LRU, ANR et autres, qui me semblait être une des manières dont les réformes, dont toute cette reconceptualisation, comme disait l'OCDE, toute cette reconceptualisation de l'université a été possible. On nous met dans les pattes des petits morceaux. Ah bah le LMD, alors qu'est-ce qu'on en pense, hein. Mais quand on essaie de recomposer quelque chose de plus global, on voit les choses différemment. C'est ce que j'ai essayé de tenir. Et l'autre racine de l'écriture était celle de l'immense détresse et l'immense multiplication de la précarité parmi nous à l'université. Je voulais faire un clin d'œil et j'ai oublié le bouquin de Raison d'agir, l'enquête qu'ils avaient menée en 2010-2011. L'acronyme c'était Pécresse. J'ai oublié le titre, mais enfin, vous le retrouverez facilement. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était une manière de poser aussi un constat, c'est-à-dire dire ça existe, il est possible d'en parler, une forme de légitimation de cette parole. Et moi je le revois beaucoup, je crois que c'est 2010-2011, et ça m'avait beaucoup servi de voir. Par les choses sous cet angle-là. Et donc, de parler de précarité et de précarisation, mais d'un point de vue très, très concret, parce que ça a été beaucoup reproché, oui, mais est-ce qu'on peut parler de précarité à l'université ? Est-ce qu'il y a vraiment des précaires ? Et où est-ce qu'ils commencent ? Où est-ce qu'ils finissent ? Et de le faire vraiment, c'est-à-dire d'aller voir comment ça marche, d'aller voir que les chiffres du ministère sont très compliqués, et les chiffres officiels sont très compliqués à mettre en place, mais disons qu'entre un tiers et la moitié des enseignants-chercheurs de tout le pays, qu'on prenne les vacataires ou autres, se retrouvent sur des statuts précaires, et parfois précaires, qui durent 10 ans, qui durent paradoxalement plutôt dans les sciences dures que dans les sciences molles, contrairement à ce qu'on ressasse régulièrement. Mais c'était ça, prendre la question de la précarité et essayer de voir comment est-ce qu'elle était un paradigme du nouveau mode de gouvernement des universités. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui serait résiduel, c'est-à-dire quelque chose qui serait, bah, vous voyez, il faut en passer par là avant d'avoir un poste où on manque de moyens, donc il faut bien accepter cette précarité. Non, comme étant vraiment ce que je disais, il est peut-être là l'humour, ce que je disais tout le temps, c'est-à-dire, il faut arrêter d'imaginer que les précaires, d'envisager les choses sur le mode, les précaires ne sont pas encore devenus des statutaires, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut penser. À présent, les statutaires ne sont pas encore devenus des précaires. Et à partir de... Mais en tout état de cause, c'était... montrer que cette forme de précarité, des précaires très concrets, procède de ce qui a été mis en place. Et j'étais très joyeux, là aussi, presque là. Seule promo que j'ai faite, parce que la maison d'édition n'ouvrait pas sur les médias, était en délicatesse avec beaucoup de journaux, où je me suis retrouvé avec notre Thierry Mandon, qui était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à l'époque, et où il assumait formellement le fait que c'est pas ce que vous appelez précarité, pour moi, le devenir de ce que doit être un universitaire aujourd'hui, c'est-à-dire changer de boulot tous les 3 à 6 mois ou tous les ans, passer d'un contrat à un autre, passer d'une recherche à une autre, c'est absolument pas de la précarité, ça. C'est l'avenir, et c'est comme ça qu'il faut penser ce qu'est un universitaire aujourd'hui. Avec une espèce de je sais pas comment il faudrait appeler ça, de candeur. Il l'a fait avec son expérience médiatique. Et donc, il me semblait... Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le bouquin, qu'en prenant les choses sous cet angle-là, il y avait un point d'entrée pour arriver à comprendre ce qui était arrivé à l'université, ce qui était en train de lui arriver, et d'arrêter de s'imaginer que qu'on était dans une espèce de processus de réforme qui allait produire quelque chose, un jour ou l'autre, de bien ou de moins bien, mais en tout cas, de produire quelque chose. Et en réalité, ce qu'elle produit, c'est ça, c'est cette forme de précarisation complète. Et j'ai essayé de tirer le fil autour de ce que ça produisait. J'ai tiré le fil dans plein de sens. L'un des fils était de regarder ce que ça produisait en termes de transformation tout bêtement des règles collectives. Des règles collectives qu'on s'applique à nous-mêmes en tant qu'universitaires. C'est-à-dire, par exemple, je dis juste ça, j'étais trop long, mais le fait que une grosse proportion de ce qui relève de la précarité universitaire aujourd'hui est passée par les LABEX, les LANR et autres, qui produit non seulement des précaires de fait, puisque l'argent est fait pour ça, pour produire des gens sur des contrats courts, mais qui produit aussi une chose à laquelle on n'a peut-être pas assez pensé, qui produit des formes de recrutement qui ne sont plus des formes de recrutement collégiales, qui ne sont plus des recrutements par les pairs, à l'intérieur de structures, avec des commissions et autres, qui passent souvent, je ne dis pas tout le temps parce que je n'ai pas fait systématiquement, mais qui passent souvent par des formes d'interconnaissance classique, de cooptation, de « c'était mon étudiant, c'est mon école, c'est mon machin ouais. », et qui rendent les précaires extrêmement dociles, je l'ai été longtemps, je me mets dedans, qui rendent les précaires extrêmement dociles à cette forme de personnalisation du salariat. C'est-à-dire qu'on dépend d'une personne en particulier, comme ça arrive dans beaucoup d'autres mondes sociaux aujourd'hui, salariés aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé à l'université. Or, qu'est-ce qu'on perd quand on fait ça? On perd ne serait-ce que l'idée même qu'on puisse s'attendre à ce qu'il y ait une règle collective pour le fonctionnement collectif du métier. Et ça me semblait être un fil intéressant. J'ai tiré le fil aussi de la recherche. Qu'est-ce que ça produit sur la recherche que ces formes de choses-là. Et j'arrivais à... Parce que je suis historien, j'arrivais à une sorte de conclusion, en tout cas d'armature du bouquin, qui me semble intéressante, qui était de dire, bon, l'OCDE, la Banque mondiale, bon, je reviens pas là-dessus, 94, 96, et puis tout ce qui suit, les facs privées, parce qu'on a vu exploser ça aux États-Unis, moi je suis tombé par terre quand je suis rentré dans le système de... Il faut privatiser les financements universitaires, et ça a produit des facs privées, des facs Goldman Sachs aux États-Unis qui sont là pour faire rentrer de l'argent jusqu'à ce que le Sénat se dise mais attendez, vous êtes en train de détourner l'argent des bourses, l'argent des pour faire quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc on a produit voilà, tout ça je le mets en place dans le bouquin. Et ce qui m'a intéressé, c'était de tirer ces deux fils importants qui étaient d'une, je refais pas la démonstration mais il faudrait la refaire en détail sinon ça a l'air d'un arbitraire, mais en gros ce qu'on a perdu, et qui me semble important, c'est deux choses qui allaient ensemble, c'est-à-dire d'une part l'idée, alors sans conceptualiser trop, l'idée que le monde universitaire avait acquis une forme d'indépendance, et clairement c'est le cas, hein, quand on reprend l'histoire de l'université depuis Napoléon, si vous voulez, au moment de la Troisième République, l'université acquiert comme profession une forme d'indépendance à l'égard des structures financières existantes, c'est-à-dire ne pas être assujetti à la nécessité de trouver un boulot dans un journal ou de trouver un mécène qui va publier vos bouquins ou autre. Donc une indépendance, c'est une indépendance à l'égard du pouvoir qui ne met plus son nez dans la taille de la moustache ou de la barbe, mais aussi dans les cours et dans les chaires et dans les recrutements et même les avancements. Donc ça, c'est cette forme d'indépendance-là qui me semblait extrêmement intéressante. Voilà, je ne dis pas qu'elle a vécu glorieusement jusqu'à 2005 et puis qu'ensuite elle s'est effondrée, c'est beaucoup plus compliqué, mais en termes d'idéal type, voilà une chose sur laquelle on a tiré un trait. Et en même temps, parce que ça va avec l'organisation du monde universitaire, pour le prendre de manière très vaste, comme un monde qui est réglé, c'est-à-dire qui est réglé avec une forme d'unité, avec toutes les guillemets qu'il faut, entre le premier entrant et le dernier sortant, ce qu'on appelait sous la Troisième République les vétérans et les novices. Enfin, j'ai mal révisé. Mais en gros, voilà l'idée, à un moment donné, qu'on a constitué. Encore une fois, c'est un idéal type. Évidemment, il y a des luttes, évidemment, il y a des intrigues, évidemment. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces gens qui font profession d'enseigner et de faire de la recherche en même temps sont reliés entre eux par des règles et ils sont séparés par du temps. Et non plus comme ils étaient auparavant, avec des statutaires qui ont les chairs et qui sont à vie, et des gens qui sont recrutés qui n'accéderont jamais à la publication ou cours importants qui sont publics et qui drainent, bah, je parle par exemple du Second Empire et avant, la Troisième République constitue ça, mais elle le constitue avec l'autre partie. Et là aussi, il me semble que c'est quelque chose qu'on a perdu ou qu'on a laissé pourrir, hein, qui va avec. C'est-à-dire en perdant l'indépendance à l'égard du pouvoir, en perdant l'indépendance à l'égard des sphères économiques, pour aller très vite. Dans les années 2000, l'université a tiré un trait aussi sur cette unité du métier. Et c'est là où on retrouve les précaires. C'est-à-dire ils sont dans le même métier, ils font le même métier. Je vous mets même au défi, il faudrait peut-être le faire, de prouver que les vacataires qui sont vacataires depuis 5-6 ans et qui sont payés que pour ça et qui vivotent sont de moins bons chercheurs, de moins bons enseignants, de moins bons tout ce que vous voudrez. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils font le même métier, mais ils ne sont plus du même monde. Ils ne sont plus du même monde. Ça ne fonctionne plus sur ce mode-là. Et ça, c'est très intéressant de voir ces deux choses-là. Alors bon, ça, c'était pour faire mon panorama rapide. Ce qui me semblait intéressant... Alors donc, la commande était de cesser de parler de critique, de cesser de tenir un discours critique pour essayer de proposer des choses. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est juste une anecdote. On m'avait proposé... C'est une anecdote et en même temps, ça éclaire un peu le discours que j'essaie de tenir. Dans la vie des idées, pour ne pas le citer, on m'a proposé justement au moment de la loi sur la sélection, j'appelle comme ça volontairement, de faire un papier un entretien écrit, ce qui est toujours un peu curieux, mais bon, faire un entretien écrit pour parler de la sélection en n'en parlant pas, évidemment. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'arriver à tenir une parole faussement critique qui permettait de nuancer beaucoup les propos. Donc j'ai refusé au départ en disant, mais moi, la question de la sélection, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui ont travaillé sur les formes de structuration, de l'accès à l'université, structuration sociale, de l'accès à l'université, des questions de réussite et des conditions sociales, des réussites et des échecs à l'université. C'est pas mon cas, je vais dire des banalités, rien de très original. Et donc ils ont insisté beaucoup pour que je tienne un discours qui était celui que j'avais tenu dans le bouquin, ce que j'ai fait, et avant d'avoir comme retour, ils me disaient, bah, c'est très bien, c'est bien. La vie des idées, enfin, peut-être des gens. Ceci constitue une excellente base de travail. On sait que ça ne va pas du tout. Et ça n'allait pas du tout pour une chose toute bête qui était. Alors, il fallait nuancer. Il ne faut pas dire sélection. Il faut dire oui, mais la loi ne prévoit pas de sélection. Officiellement, effectivement, elle ne prévoit pas de sélection. Oui, et là, vous mélangez un peu alors la question de l'enseignement et la question de la recherche. Ce n'est pas du tout le même problème. Ça ne va pas parler aux étudiants. Et puis, il y avait d'autres choses sur. Oui, j'avais essayé de parler des étudiants. Je le ferai circuler avec grand plaisir pour ceux qui s'intéressent. Je parlais des étudiants et de choses que je vais dire si j'ai le temps, du fait que d'abord on parle de la sélection. On parle de la sélection parce qu'on a détruit tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas en être dans la situation de parler de sélection dans la mesure où l'université, enfin le marché de l'enseignement supérieur en France marche déjà en grande partie sur la question de sélection avec les grandes écoles et autres. Et d'autre part que. Qu'on parle de sélection, de manque d'accueil et autres, parce qu'on a supprimé des postes, parce que les capacités d'accueil, on les a détruites, comme ce qu'on a fait tout le temps. On manque de moyens, on manque de postes, parce qu'ils ont été détruits. Pas parce que, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ce que j'essayais de dire, et évidemment, c'était, oui, alors c'était compliqué, c'était trop peu nuancé, ça j'ai bien compris, et l'autre partie était que. L'idée que les étudiants ne sont pas à l'université simplement pour passer des diplômes et qu'il serait bon de réfléchir à quoi sert une université. J'en viens à ce pourquoi je suis là. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait des universités pour... C'est le bon moment de reposer ça et d'arrêter de laisser cette manière d'envisager les choses à ceux qui ont déjà la réponse en termes d'utilitarisme, en termes de marché du travail, en termes de débouchés économiques, d'innovation, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est pas passé et il fallait nuancer. J'ai refusé de nuancer, refusé d'enlever les morceaux qui semblaient hors sujet, précisément parce que, non pas simplement parce que hors sujet, je me sens très peu assujetti à ce genre de choses à présent, mais surtout parce qu'il me semble que c'est pas de ce genre de parole-là qu'on avait besoin et qu'on a besoin aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus une parole de véhémence et une parole de... Justement, nuancer, c'était déjà jouer le jeu de ce qui nous est tombé dessus en permanence. On a nuancé beaucoup au temps du LMD. Oui, alors attendez, capitalisation des OCTF. Oui, mais capitalisation, ça peut dire... Bon. On a nuancé en permanence et au bout du compte, on arrive à la question de la sélection, sur laquelle on peut nuancer pendant des heures. Mais ça fait pas avancer grand-chose. Et il me semblait, voilà... Je suis assez partisan de cette forme de parole véhémente plutôt que, et je me tire une balle dans le pied, plutôt que d'une parole de savoir qui me semble, pour le coup, manquer en partie sa cible, c'est-à-dire expliquer, faire de la pédagogie, pour le coup, ça me semble ne plus être suffisant. Alors peut-être que c'est parce que ça fait 3 ans que je ressasse ce qu'il y a dans le bouquin et que j'aimerais que ça ait servi beaucoup et que je ne suis pas sûr que ça ait servi tant que ça. Voilà, alors je referme toutes ces parenthèses et je me lance. Voilà, c'est pour ça qu'il me reste peu de temps, en fait. Je me lance... oui, ce que j'ai essayé de produire était une forme un peu élargie de ce que je disais dans l'épilogue. Moi, je viens de l'éducation populaire, donc voilà, j'aime bien quand ça discute et quand on s'approprie la parole. Et quand, voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre, et justement, je suis venu pour ça, pour qu'on discute de tout ça. Ceci dit, je mets un petit cadre quand même sur ce qui me semble intéressant de discuter. La vraie question et le vrai point de départ, c'est ce que tu disais Arnaud, c'est presque votre première séance de cette année, et je vais revenir à ça, Johanna Siméon, c'est-à-dire, en l'élargissant encore, pourquoi faut-il qu'on ait des universités, quelque chose comme une université, dans nos sociétés ? Et je pense que ça paraît une banalité confondante de dire ça, mais on pose le problème de manière complètement différente si on accepte déjà de ne pas se le faire piquer, c'est-à-dire pas tomber sur les réponses toutes faites, mais de reprendre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi être universitaire ? Ça veut dire quoi avoir des étudiants ? Que font les étudiants ? Ça veut dire quoi des études ? Ça veut dire quoi ? Et c'était une des choses, peut-être parce que je me suis aussi, c'est l'effet bulldozer, et laissé en partie affecté par tout le bouquin, mais le fait de voir, par exemple en Angleterre, les étudiants devenir les clients des universités, où on s'est mis à calculer les prorata des frais d'études. On fait pas des études pour ça, c'est pas les étudiants, ça. Qu'est-ce qu'on... Voilà, reposer tout un tas de problèmes à partir de cette question toute bête. Pourquoi faut-il qu'on ait des universités dans nos sociétés ? Je dis juste pour cadrer avant de me présenter, je recule le moment exprès. L'idée de mettre... je crois pas beaucoup à l'idée de prophétique. Alors voilà, il faut rendre possible des choses. Ouais, on va parler de ce qui est possible et tout ça. Je pense qu'on... On se rend pas bien compte de... c'était Passeron qui disait ça, je trouvais... Enfin, je n'avais pas très bien compris à l'époque, mais je trouvais ça pertinent. C'est-à-dire l'idée que, oui, mais avant de parler de tout c'est possible, c'est très à la mode de parler des possibles et même possibles, de réfléchir un peu aux conditions sociales qui font que c'est impossible, et de passer un peu de temps à réfléchir sur le fait que bah, telle chose-là, on peut la dire possible et on peut imaginer que... Hein, mais n'empêche qu'il est pas mal de réfléchir à ce qui la rend impossible aujourd'hui, soit par cécité, soit par ignorance, soit par, on en a parlé, mais carriérisme. Beaucoup d'universitaires, moi je suis épaté, mais beaucoup d'universitaires ont vu clair ou disent avoir vu clair dans les réformes, dans cette forme de destruction de l'université, ils ne sont pas du tout affectés ou touchés par ça. D'autres y ont cru vraiment, avec la bonne foi du charbonnier. Je me rappelle d'une séance à Paris 1, je ne sais plus ce que j'étais comme statut... où la loi LRU était en passe d'être votée et où on est en histoire, et où des enseignants très capés, des PU, trouvaient ça génial parce qu'on allait enfin avoir le système à l'américaine avec « mais moi j'ai bien travaillé, je vais avoir un salaire en conséquence » et blablabla. Donc il n'y a pas que de la naïveté et de l'ignorance. Bon. Mais si, ça mériterait beaucoup d'autres débats, mais voilà, les conditions d'impossibilité d'un certain nombre de choses sont, voilà, il ne faut pas être naïf, il faut y réfléchir en même temps qu'on les avance. J'avais prévu, et je cite de manière très, très précise, quelque chose que j'ai retrouvé dans un bouquin que j'avais lu, comme j'imagine un certain nombre d'entre vous, au moment où je préparais le bouquin, au moment où je l'écrivais. Je vous dis après d'où c'est tiré, mais c'est juste précisément parce que cette chose-là existe. Cette critique-là existe, qu'elle peut nous être familière, et que ça me semble intéressant de la remettre sur le tapis. La disparition de l'université, grand agent de la stérilisation actuelle, libérera des énergies et des talents qui trouveront mieux à faire que la rédaction d'articles destinés à l'ascension dans la hiérarchie mandarinage. C'est très bon. Enfin, et c'était le bouquin d'Azan et de Camus, le petit livre Bleu Pétrole, la première mesure révolutionnaire, qui était l'idée que bon, bah, maintenant on a... on a très bien, prétendument très bien décrit la façon dont on peut renverser les choses en place, et maintenant, on va essayer de les rendre, qu'on puisse plus y toucher, voilà, qu'on les rende irréversibles, voilà, rendre les choses irréversibles. Et dedans, dans la manière de rendre les choses irréversibles, il y avait la destruction de l'université, mais au sens propre du terme, qui était, ben voilà, dans un monde rêvé, ben on se débarrassera de l'université parce que c'est un de ses agents de reproduction des choses qui ne fonctionnent pas, de reproduction de ce néolibéralisme. Et je trouvais ça très intéressant, parce qu'évidemment, il ne vous a pas échappé que le bouquin est paru dans la même maison d'édition. Et que c'est une chose contre laquelle, moi, je me suis beaucoup battu. C'est pas quelque chose qui m'est... c'est une phrase que j'ai du mal à comprendre. Elle est sortie du contexte, bon, très bien, que j'ai du mal à comprendre et à accepter. On s'est beaucoup étripé là-dessus. Parce que précisément, pour moi, il faut la sauver, l'université. C'est pas ça. C'est-à-dire que... on n'en est pas à, enfin, on aurait complètement perdu la bataille si on accepte ce genre de choses. Ceci dit, pour avoir fait beaucoup discuté dans des milieux qui ne sont pas que universitaires, c'est une chose qui se dit et qui s'entend beaucoup. L'université, de toute façon, c'est la reproduction bourgeoise, c'est la parole bourgeoise d'ailleurs d'où vous sortez, machin. Et il me semble que c'est un bon point de départ de se dire, voilà, moi je ne suis pas là-dedans, et ce que j'avais à proposer dans le bouquin, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire, il faut sauver l'université, évidemment, il faut refuser d'en habiter les ruines. Et tout ce que j'ai dit là aboutissait à deux sortes de propositions, si j'essayais de les organiser un petit peu, qui étaient, je vais les étoffer un peu, mais qui étaient en gros, d'abord sur un mode interne, des formes de résistance, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on peut fonctionner pour faire exister l'université sans accepter ce qu'elle est devenue ? Et ça me semble extrêmement intéressant. Ça me semble extrêmement intéressant de savoir comment on fait. Mais comment on fait ? Ben voilà. Ben évidemment, je ne suis pas là pour vous donner une recette. Mais il me semble qu'on a par une forme de nostalgie ou de romantisme, je ne sais pas quoi, beaucoup idéalisé cette espèce de grand mouvement collectif. Et je suis pour, et j'ai participé à plein de choses, les rondes. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est inouï, justement, le répertoire d'action qui a été mobilisé. C'est d'une inventivité quand on les met à plat. Moi, j'ai fait le bouquin en 2015, il y en avait déjà beaucoup. Les rondes, les marches, vous continuerez les sites, les actions précaires aussi. Il faudrait les multiplier, ceux qui ont refusé de donner les notes pendant des mois et des mois. Enfin, je ferme la parenthèse, mais déjà, on a une forme d'inventivité inouïe. Ceci dit, on a continué à idéaliser ce grand mouvement collectif. Et il me semble qu'il faut regarder autrement. C'est-à-dire que précisément, c'est ne pas voir que l'université ne fonctionne plus sur ce mode collectif. C'est-à-dire qu'une bonne partie des précaires ne se reconnaissent absolument pas dans les mouvements qui sont menés, à SLU, à SLR encore moins, et autres. Et dans les mouvements qui ont pu exister, même dans les mouvements étudiants, il y a du tirage, il y a du frottement. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est une des choses que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. C'est-à-dire qu'on a perdu cette idée qu'on fait partie du même métier et ça doit fonctionner comme ça. Non. Et donc, ça hypothèque lourdement la possibilité de faire exister des collectifs massifs qui fonctionneraient, j'ai conscience de ce que je suis en train de dire, qui fonctionneraient sur un mode d'une espèce de grand barnum comme ça qui va tout casser parce qu'on a réussi à se réunir. Je suis désolé, mais cette forme de collectivisme de la lutte, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que l'univers qu'on a, dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel fonctionne l'université aujourd'hui, fonctionne sur des formes d'individualisation, de personnalisation des rapports salariaux dont je parlais tout à l'heure, qui sont extrêmement violents, extrêmement brutaux, extrêmement difficiles à accepter. Et de tout ce que ça peut produire au moment où on est dans les phases, dans les phases d'audition et autres, je ne vous l'apprends pas, enfin, c'est un moment très très compliqué, c'est un moment qui met à l'épreuve le jugement universitaire, les règles universitaires dans des proportions hallucinantes. Ces dernières années, le fait que les règles qu'on se donnait collectivement ne fonctionnent plus a exacerbé ça. Donc voilà, je ne suis pas du tout en train de douter des mouvements collectifs, je suis juste en train de me dire, voilà. Peut-être que, en tout cas c'est pas de ça dont je vais parler, peut-être qu'il faudrait regarder les choses autrement. Il me semble qu'il y a des formes d'insurrection quotidienne, c'est-à-dire à l'échelle locale, et précisément parce qu'elles sont locales et qu'elles sont dans ce qu'on fait au quotidien, elles prennent une dimension politique qui me semblait intéressante. J'en avais listé, je les lis pour ne pas me dédire, ne plus oser au moins. Je les lis juste comme ça, mais pour vous faire réagir et qui relèvent des formes d'expérience qu'on a tous. Mais refuser de faire des heures supplémentaires, ça me semble une... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment est-ce qu'on pouvait accepter des heures supplémentaires dans une université comme celle-ci. Je suis pas tout seul, il y a des maîtres de conférences qui ont fait des appels à dire « Moi, je donne mes heures supplémentaires pour qu'on crée des postes. » Regardez, j'étais dans un département à Strasbourg où j'étais encore jeune et naïf, où à la fin du premier semestre, on donnait le nombre d'heures supplémentaires, je ne sais plus sur quel papier, et où le nombre d'heures supplémentaires était de 2000 et sur un semestre. Quel sens ça peut avoir? Bon, il avait aussi pour particularité comme département d'être un département de STAPS et de fonctionner sur des précaires depuis longtemps, à savoir des gens qu'on rétribue un peu à la va-vite. Ça participe de. C'est pas que la question des heures sup, c'est lié à beaucoup d'autres choses. Mais il me semble que c'est extrêmement intéressant de le mettre en balance. Pourquoi on accepte des heures sup? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? De la même manière. Et j'en ai débattu, mais de longues heures, je dis pas ça par provocation. La question de l'IUF me semble extrêmement importante aujourd'hui. Je suis pas naïf au point de croire que je suis le premier à la poser, mais ça me semble démentiel d'être en train de courir des postes comme ceux de l'IUF, enfin des postes, comment on appelle ça, des décharges, si on se place du point de vue du fonctionnement universitaire. Des décharges de cours et des décharges de présence auprès des étudiants qui produisent fatalement le recrutement de gens qui interviennent devant les étudiants de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'ils sont remplaçants, mais qui sont voués à le rester, puisque le poste n'est pas reversé au proprement. Ça me semble intéressant comme mode de fonctionnement quotidien. J'ai beaucoup d'amis qui sont à l'IUF, et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. De la même manière, mais c'est une banalité de le dire, mais reprenons ça. Le fait de participer aux modes de financement, si on se place du point de vue de la recherche, à ces modes de financement internationaux, mais avant d'être internationaux, nationaux, que sont la course au cachet que tout le monde a décrite comme produisant des effets délétères sur la recherche et, d'un point de vue humain, complètement ubuesque, les LabEx, les AMR et tout ça, comment ça se fait qu'on participe à ça? Il me semble que c'est pas stupide de dire que c'est pas anodin de prendre part à ça. Il y a des labos qui ont refusé pendant longtemps. Il y a des labos qui cessent de refuser. Le passage est extrêmement intéressant. Des labos qui ont refusé pendant longtemps et qui cessent de refuser. Qu'est-ce qui se passe? Tu supprimes des postes parce que tu n'as pas assez de contrats de recherche. Exactement, mais c'est tout un ensemble. Voilà, le mode de fonctionnement. T'es content d'avoir une ANR à opposer pour dire complètement, mais ouais. Il faut voir. Non, mais si. Tous les fils sont liés. C'est-à-dire, on a accepté ça, on l'a érigé en critère, on l'a érigé en critère de carrière, en critère de poste. On a accepté beaucoup de choses de cet ordre-là. De la même manière, ça parle plus de la question des précaires, mais je prends juste mon cas particulier parce que là, je peux en parler, je peux le défendre, ça n'a pas l'air farfelu, mais on propose tous les ans des postes de précaires hallucinants. Mais hallucinant, je pensais être à l'abri justement en ayant fait le bouquin, mais pas du tout. Enfin, on propose des postes, on en est quand même arrivé aujourd'hui sur des contrats de bénévolat, c'est-à-dire vous venez faire des cours bénévolement. L'auto-entrepreneuriat, j'en parle même pas, mais c'est quelque chose qui a été peu débattu justement, la question de l'auto-entrepreneuriat. Il y a des facs qui l'ont mis en avant et qui ont fait fonctionner des départements entiers avec ça. Les précaires n'ont pas beaucoup le choix d'accepter ça plutôt qu'un poste d'ATR ou autre chose. On se retrouve piégé par ça. Mais il n'empêche que ça pose, d'un point de vue purement administratif, l'État qui sous-traite à des auto-entreprises privées sa mission de service public d'enseignement. Ça veut dire quoi? Comment on se retrouve avec des gens qui peuvent être statutaires et proposer des postes de ce genre-là à l'université? Je ne suis pas en train de faire la police, je me rends compte que c'est stupide ce que je dis, je suis en train de vous donner une espèce de fouet, justement, et c'est pas la question. C'est pour ça. C'est pas la question, mais ça me semble intéressant d'en reparler, de dire, voilà, on n'en parle plus beaucoup de ça, des auto-entrepreneurs, parce qu'on est passé à des étapes différentes. Auto-entrepreneurs, ils sont déjà quand même pas mal lotis par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Mais n'empêche qu'on a quand même ouvert des portes hallucinantes avec ça. De la même manière, ça fonctionne avec ça, c'est-à-dire... moi, je rêve qu'on se dote, précisément, si on ne peut pas refuser les ANR, je dis un peu les ANR, les LabEx et tout ça, qu'on se dote de modes de fonctionnement collectif, de la façon dont on recrute les gens à l'intérieur de ces postes qui sont créés presque à titre personnel par des individus personnels. On n'en est pas là du tout. Qu'est-ce que ça veut dire si vous dites que les postes sont désormais là, mais que ça fonctionne comme ça? Ça me semble être assez catastrophique. J'anticipe déjà sur ce que je voulais dire après. Il y a la question des étudiants. Il me semble évidemment que c'est dommage qu'ils ne soient pas venus. Ça me semble intéressant de ne pas parler entre nous tout le temps. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'arriver à parler de l'université avec des acteurs qui sont isolés, ce que je disais tout à l'heure, pour plein de raisons. Là, il n'y a pas d'étudiants. Quand on fait des conférences, quand moi j'ai présenté mon bouquin chez les étudiants, les profs ne viennent pas. Enfin, on se retrouve avec des publics qui ne se mêlent pas et qui ont beaucoup de mal à dialoguer entre eux, qui ont beaucoup de mal à parler la même langue. Évidemment, les étudiants ont d'autres préoccupations, mais il n'empêche que de passer un peu de temps à leur expliquer comment fonctionne l'univers dans lequel ils sont pris, c'est déjà pas absurde. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de précaires à Lyon, il y a quelques années, où ils avaient remplacé les cours, ils voulaient la mensualisation des contrats, enfin, je ne vous l'apprends pas, mais les vacations sont payées deux fois dans l'année, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas les contrats de travail, ce n'est pas du salariat, mais ils voulaient une mensualisation. Ce qui est quand même, c'est-à-dire quand on en est arrivé à vouloir une mensualisation sur des contrats de ce genre, c'est même plus du symbolique. Mais ils ont dû se battre pour l'avoir. D'ailleurs, on leur a enlevé, ils l'ont eu une année et on l'a enlevé. Bon, c'est pas son... Mais c'était très intéressant la manière dont ils ont essayé de faire un lien avec les étudiants. C'est-à-dire, on fait pas cours, on va vous expliquer notre revendication, notre statut. Il se trouve qu'il y avait beaucoup d'étudiants en droit, là non plus je ne vous l'apprends pas, c'est pas tout à fait la même sociologie. Et même, c'est pas le même habitus professoral, c'est-à-dire des précaires crèvent la faim, viennent en costard, costume cravate, en droit. C'est très difficile de faire passer quelque chose qui soit intelligible auprès des étudiants. Mais attendez, je ne suis pas votre professeur, je suis... Regardez. Et ils ont essayé de le faire. C'est pas absurde de partager des formes des formes de pratiques du métier, des formes de pratiques du métier qui sont profondément coupées, c'est-à-dire qui ne circulent plus. Mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire des profs qui continuent à proposer des vacations sans se demander. Mais à part ça, vous vivez de quoi, enfin, on n'apprend pas non plus, mais les contrats de vacations sont dévoyés depuis longtemps. C'est-à-dire les fameuses clauses d'âge, d'absence de cotisation sécu ou de 1000 heures travaillées dans l'année sont plus respectées par une poignée de facs en France. Et encore pour des raisons purement administratives. Il me semble intéressant de parler aux étudiants et de leur parler d'autre chose que du marché du travail et de débouchés professionnels ou autres. Et c'est là où on rentre dans la partie un peu intéressante, parce que là, j'ai l'air de donner des recettes, enfin, je veux dire, tout le monde y a déjà pensé. Mais quand on les met ensemble et qu'on essaie d'y réfléchir dans nos pratiques quotidiennes, ce serait déjà pas mal. Mais c'est là où on arrive. Je disais, pourquoi on a des étudiants ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent faire là et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qu'on produit ? Et il me semble qu'on a accepté, et pour plein de raisons, sur lesquels il faut insister, mais on a accepté de jouer ce jeu qui consiste à prendre les étudiants. On parle d'offres de formation, d'ailleurs, on ne parle plus de cours, on parle d'offres de formation, ça me semble extrêmement intéressant. Là. On parle de CTS, j'ai oublié ce que veut dire l'acronyme, mais European Capitalization, Transfer System. Credit. La capitalisation des crédits. Enfin, c'est pas, on a transformé beaucoup de choses et on a beaucoup appuyé sur la question des débouchés professionnels, la professionnalisation des enseignements. Je prends toujours le cas des juristes parce que c'est peut-être mon humour, il est particulier, mais moi j'aime bien, ils n'ont rien vu, les juristes n'ont rien vu, et ils se sont retrouvés le bec dans l'eau, et ils y sont, au moment où Sciences Po a capté, parce que Sciences Po était très bien placé dans les... comment il faudrait dire ça, pour capitaliser sur la reconceptualisation mondiale de l'université, Sciences Po a beaucoup servi de fer de lance, et ils l'ont fait sur ce qu'ils appellent la professionnalisation de la formation des professionnels du droit. Et en fait, de professionnalisation, ce que ça a fait en grande partie, c'est pas seulement de se débarrasser de la plupart des enseignements théoriques que les facs de droit resserrent depuis 40 ans. J'exagère pas, hein, les cours de droit sont repris ad vitam aeternam jusqu'à épuisement du prof. Pas du cours. Donc Sciences Po dit, tous les cours théoriques, on s'en débarrasse et on va faire des cas pratiques. On va faire de la pratique comme le grand système, ils ont mis un peu de temps à le mettre en place, mais le grand système était celui du droit américain et en particulier des cabinets d'avocats d'affaires américains qu'on a fait venir à l'école de droit de Sciences Po, qu'on a fait enseigner. Quoi. Et les juristes des universités se sont retrouvés bien embêtés. C'est-à-dire, si on ne forme plus ce que vont devenir les avocats et les magistrats, qui on forme ? Plus il y avait la réforme des professions notariées et autres au même moment. Qui on forme et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ils ont couru derrière ces réformes, soit pour essayer de les adopter, mais ils se sont vite rendus compte que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on tire un trait sur toute la partie théorique du droit. Là non plus, je ne vous l'apprends pas. Beaucoup de professeurs de droit ont des thèses, et ont, même si là aussi, beaucoup de professeurs de droit sont en même temps avocats et autres, la sociologie des universitaires est différente, mais ils sont bien embêtés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces cours s'ils ne servent plus à rien ? Et certains autres se sont posés la question dans l'autre sens, mais... À un moment donné, qui va être là et avoir le bagage théorique suffisant pour les renouvellements critiques de la profession, les renouvellements critiques des enseignements, si on fait que de la pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est immédiatement utilisable, les étudiants sont ravis, les profs qu'on fait venir sont ravis, les cours sont en anglais, c'est génial. On a couru derrière. On l'a fait, ça, cette professionnalisation. On a été très loin dans la manière de transformer en propédeutique du monde professionnel ce qui devrait être le moment des études. Et il me semble important d'en parler, ça, et de le remettre sur la table. Ça veut dire quoi faire des études ? Ça veut dire quoi être étudiant aujourd'hui ? Et je pense que là, il faut en discuter. Et il faut en discuter, évidemment, de la part des enseignants et de la part des étudiants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose comme cours ? À quoi ça doit servir ? Et qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant ? C'est-à-dire, je ne sais plus si c'était Arnaud, de parler de gratuité des enseignements, de parler... Ça paraît d'une naïveté confondante, mais c'est déjà pas rien de mettre en place des formes d'enseignement qui ne sont pas capitalisables ou qui ne sont pas... On l'a vu se poser la question là, avec la question des concours, des diplômes, enfin des examens. Voilà. S'il n'y a pas d'examen, qu'est-ce qu'on sanctionne ? Oui. l'examen vaut pas ce qui a été appris. Enfin, on est arrivé dans des modes de fonctionnement qui sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on a oublié tout ça, tout ce qu'on fait dans des formes d'enseignement classiques. Or, il me semble bien que, enfin, en tout cas, peut-être tardivement, mais c'est une question qui m'a beaucoup taraudé. C'est-à-dire, au bout du compte, ça sert à quoi d'être universitaire si c'est pas pour ça, pour avoir appris une forme de... C'est naïf, une forme d'esprit critique qui s'acquiert en mathématiques appliquées ou en études cinématographiques, mais peu importe, c'est pas la question. Mais de prise sur le monde. Les étudiants sont capables d'avoir une prise sur le monde et on les aide là-dedans. On les aide à produire ça. De la même manière, ils sont là aussi pour... là aussi, c'est rebattu, mais on n'en parle plus. Ils sont là pour acquérir des formes de socialisation. Ils sont dans un espace, dans un temps qui à la base a été construit pour ça, qui est dépris des engagements professionnels, c'est surtout pas un moment d'engagement professionnel, et qui est dépris aussi des engagements familiaux, et qui n'est plus le moment des études imposées avec la famille. On est dans un moment où les études prennent la valeur de formes de socialisation, c'est pas très beau ou très heureux, mais de socialisation sociale, de socialisation politique, se trouver des causes, se trouver sur lesquelles on peut se planter, se trouver des formes d'investissement, se trouver des amis, se trouver des routes... Ça me semble terrifiant qu'on se pose si peu la question. C'est-à-dire, au bout du compte, on est quand même réduit. Alors, je parle que pour moi. Moi, j'étais beaucoup réduit à ça. C'est-à-dire préparer une forme de consentement à un monde qui a été fait sans eux. Et on les prépare à accepter le monde qui a été fait sans eux, sur lequel ils n'ont pas de prise. Bah, si c'est ça, je vois pas bien à quoi ça sert. C'est-à-dire, ça sert à quoi, concrètement? Ça sert à quoi? Voilà les questions que je m'étais posées. Donc, j'ai pas regardé combien de temps j'ai parlé. J'ai dépassé. Non, mais vas-y. Ah bon. Conclu. Ah, c'est raide. Il me reste 12 pages. Pour être tout à fait clair, voilà ce qui me semble intéressant de réinventer à des échelles. Justement, oui, on parlait de Vincennes sans fétichiser ce que pouvait être Vincennes, mais c'est très intéressant d'imaginer des choses alternatives aujourd'hui, c'est-à-dire pas à grande échelle, mais se demander comment ça pourrait marcher, ça. Prendre des lieux, se retrouver doté par un ministère qui est suffisamment éclairé pour savoir que s'il ne fait pas ça, un jour ou l'autre, ça va péter, ou que je ne sais pas quoi, mais en tout cas de trouver un espace dans lequel ça peut être tenté. Ça, tout ce que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire que les étudiants aient pris sur leurs études comme mode de renouvellement du monde, mais que nous, universitaires, et là je me mets dedans volontiers, on est prise aussi sur le métier d'universitaire, sur les raisons pour lesquelles on recrute telle ou telle personne, mais aussi sur la manière dont fonctionne l'université. Le fait que c'était très, très, très déstabilisant tout le temps, c'est une chose sur laquelle je m'en veux beaucoup de m'être emporté plein de fois, mais je m'en mets à le coup pas maintenant, 3 ans après. Mais beaucoup d'universitaires me disent, moi dans mon département, j'ai jamais vu un préquel. Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas en France, c'est-à-dire c'est une forme de cécité. Ça me semble être le point de départ, c'est-à-dire non pas d'être là, de pouvoir les nommer, c'est pas la question, mais d'être capable de réfléchir aux conditions qu'on produit quand on est statutaire, qui font qu'au bout du bout, il y a des précaires qui n'ont pas le choix d'autre choix que d'accepter ça. C'est pas des questions d'altruisme ou autre, je suis pas en train de remettre des questions de philosophie morale, le juste et l'injuste, on l'a vu sur la question de la sélection, ça marche pas. Dire c'est injuste parce qu'on priverait les étudiants d'un accès au savoir universel, c'est pas ça la question. Là, il faut remettre des formes politiques, c'est-à-dire le mode de fonctionnement d'un métier comme celui d'universitaire ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a des règles collectives et collectivement garanties, collectivement attendues, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on puisse avoir prise entre nous. Or ça c'est plus le cas, ne serait-ce que par cette espèce d'immense monceau de précaires qu'on a nous-mêmes constitué et qui s'est constitué à côté et qui est un continent noir et très triste et très, très sombre et très... Moi je m'en suis beaucoup voulu plein de fois de présentations finissent par des gens qui finissent en larmes et ça m'a beaucoup traumatisé personnellement moi de parler de ce bouquin parce que voilà, le fait que ça existe et qu'on y fasse attention, que le mode de fonctionnement du métier passe par là. Mais ça veut dire aussi des formes de prise, c'est toujours une phrase de Google, des formes de prise aussi sur ce qu'on attend de la production scientifique. Moi, je suis en histoire, par exemple, l'essor, mais qui est un non-sens épistémologique, l'essor de la neurohistoire, mais vraiment, il faudrait passer du temps pour expliquer dans quelle mesure c'est un non-sens épistémologique, mais croyez-moi sur parole, on n'a pas beaucoup réfléchi à la façon dont se produisent les sujets, la fameuse échelle de légitimité des sujets, mais qui n'est pas, histoire de dire qu'il y a une échelle, mais qui est les formes de fonctionnement classiques d'un monde scientifique aussi, c'est-à-dire de dire le choix du sujet que les étudiants prennent ou le choix du sujet sur lequel je vais travailler n'est pas dicté par des impératifs financiers ou par des débouchés d'innovation ou autre, c'est archi le cas en sciences dures désormais, avec beaucoup de débouchés qui sont par exemple cosmétiques. Dans la biologie, on a financé beaucoup d'ANR qui servaient à l'industrie cosmétique. C'est ni bien ni pas bien, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait ? Donc tout ça pour dire, avoir prise sur le métier dans une petite échelle et reprendre des choses comme ça, ça me semble assez urgent. Donc reprendre, je ne parle pas d'université populaire, mais de faire exister ça, tout ce que je viens de dire là, ça me semble valoir le coup de le tenter. Voilà. Comment on fait ? C'est-à-dire, concrètement, il faut trouver des financements, il faut trouver des lieux ou pas de lieux, mais il faut trouver des formes d'assises pour que tout le monde s'y réunisse. Il faut trouver des manières de communiquer autour de ce que ça veut dire et de ce que ça vise, ne serait-ce que pour avoir des étudiants. Mais ça me semble valoir le coup de le tenter. Voilà. Alors, j'apporte pas grand-chose au bout du compte, mais voilà ce que j'avais à dire. Vous trouverez ça de manière beaucoup plus posée, pondérée dans l'épilogue, mais c'était la commande. Je me tais. Merci. Une petite séquence de discussion, parce que l'air de rien, le temps tourne. Mais à 9h, on est mis dehors. Arnaud, peut-être une question qui me taraude en fait. Je travaille beaucoup sur, on en discutait tout à l'heure avant le séminaire, je travaille beaucoup sur les start-upers dans la high-tech californienne qui ont un discours sur l'émancipation, qui passe précisément par la disruption, la rupture perpétuelle, valorisable sur les marchés divers et variés, et qui tiennent précisément un discours sur la prise, sur le travail. Ils ont affaire à des technologies, des ingénieurs de Stanford, etc. Qui considèrent que l'université de Stanford voit à peu près son fonctionnement, donc tourner vers le business, le chercheur entrepreneur, blablabla. Et ça, c'est vécu comme quelque chose de précisément qui garantirait ce que tu défends en le disant. Enfin, je provoque, hein, mais disons que les adversaires, s'il faut dire les choses comme il faut les dire, clairement, en fait, défendent aussi une rhétorique de la reprise sur le monde, un certain monde. Et il se trouve qu'ils prennent des positions dans le monde. Quand tu parlais des ruines de l'université à Glenn, il y a des fonds d'investissement, où on arrose littéralement des startups, en fait, c'est des subventions, avec des alliages vraiment étranges. On voit donc des universités qui deviennent capitales risqueuses, je ne sais pas comment le dire, quoi, et qui est un truc qui fonctionne aux États-Unis. On t'évoquait université Goldman Sachs, quoi. Il y a eu la Trump University, qui est un cas d'école magnifique, donc qui s'est écroulé pour les problèmes de fraude, etc. Et donc qui était finalement très avant-gardiste. Hein. Mais donc, chez l'adversaire, dans cette logique-là, il y a un discours de l'émancipation. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai fait des entretiens avec des gens étonnants qui me disent, par exemple, j'ai fait un entretien à San Francisco avec un Français qui est basé là-bas, qui va revenir avec 50 millions de dollars. Il a levé beaucoup d'argent pour créer des boîtes privées, des écoles privées, de façon Montessori, machin. Il dit, il y a un business, et puis là, vraiment, on va faire de la belle éducation, classe sup plus plus. Et il était archi convaincu par ce discours, quoi. Et bien, mais comment avoir pris parce que quand tu réaffirmes l'esprit critique, la vocation universaliste de l'université, qui me semble des valeurs qu'il faut défendre, coûte que coûte, même la Tour d'Ivoire, pas avoir peur de défendre la Tour d'Ivoire. Mais là, tu le disais, je me sens un peu naïf quand je le dis. Parce que précisément, là, on a un peu perdu la partie dans la propagande, quoi. Parce qu'en face, c'est vraiment le rouleau compresseur. Et surtout, ils sont maintenant en position pour pouvoir mettre en œuvre ces plans qui sont aujourd'hui, qui sont visibles, quoi, observables. Et c'est des dizaines de millions d'euros aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche. Là, je discutais tout à l'heure avec un collègue qui travaille sur la EdTech, encore un article dans Le Monde ce matin. Là aussi, ça va être fulgurant. Il y a des transformations en cours, on va être tous connectés à des écrans. Le concept même du séminaire en présentiel, déjà de dire du présentiel, c'est quand même étonnant. On sera tous chez nous, en gros connectés à distance, tous mookisés. Et ça paraissait aberrant il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le truc. Il y a le salon VivaTech en ce moment. Donc on accueille les gens qui font de l'évasion fiscale avec des tapis rouges et tout. Et ça devient le mainstream, quoi. Et tout ça sur les dehors des discours d'émancipation, de salut par les nouvelles technologies. Récupération. Mais au-delà de la récupération, tu vois, parce que, il y a en effet un cynisme et tout, mais donc comment tu te positionnes par rapport à ce discours? En plus, évidemment, on change. Bien sûr. Oui, c'est ça, je veux dire rien que l'autonomie. Mais c'est ça, la question de l'autonomie était. On sait, à partir du moment où tu mets sur la table, attention, les universités vont être autonomes, les chercheurs vont être autonomes. On s'est déjà fait avoir cette forme de critique désarmée en permanence. On a... mais est-ce qu'il faut se positionner par rapport à quoi? C'est une bonne question. C'est un autre monde. Mais est-ce qu'il faut. Non, c'est intéressant, mais là j'ai l'impression qu'on va être encore plus déprimé à la sortie. Non, c'est bien pensé. Je pense à une discussion qui a beaucoup occupé les sociologies contemporaines là, sur la question de la place de la critique, et avec des tirs multiples mais extrêmement nourris, qui fait que des gens s'entretuent, quoi, bêtement, au lieu de. On le voit. En fait, je pense que le partage entre critique et reconstruction ou invention, émancipation, etc., est problématique. C'est-à-dire qu'il faudrait le réviser. En fait. C'est-à-dire que, parce que l'esprit critique, effectivement, aujourd'hui, n'est plus défendable dans l'espace public comme un bien en soi, j'ai l'impression. C'est ce que tu dis. D'abord parce qu'il est saisi par plein d'acteurs qui, justement, sont aussi critiques du système hiérarchique, de l'État, en fait, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez Hazan et compagnie, il y a un truc énervant, parce que il y a toutes sortes d'anards, mais bon, c'est le comité invisible, après, qui arrive très vite. Donc on ne veut pas d'État. Surtout pas. Le premier ennemi, c'est l'État, ce qui est absurde. L'État, c'est aussi un truc extrêmement compliqué, il n'y a pas... Donc là, il y a à revoir toutes ces catégories, et il me semble que les sciences sociales ont quand même un rôle majeur à jouer là-dedans. Donc ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi elles sont attaquées aussi fortement, parce que s'il y a un renouveau, ça viendra en partie de là, quoi. Et donc, il me semble qu'il faut revoir ça, parce que chez les jeunes générations qui arrivent, justement, la critique vient en chemin faisant, c'est-à-dire en créant des univers, les appuis critiques se fabriquent de manière immanente, plutôt qu'à aller d'abord lire Marx et Engels ou la longue tradition pour après voir, regarder le monde avec ça et dire « Ah, quelle horreur !» On voit bien qu'il y a peut-être à remettre ça en jeu. Parce que sinon, effectivement, on risque d'avoir des modules qui sont complètement séparés, et c'est ce que j'entends dans la présentation. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une impuissance qui va crescendo, quoi, et qui finit par devenir malheureuse, au sens de la fameuse conscience malheureuse de l'autre, et du coup, de moins en moins partagée. Parce qu'on en est arrivé à la duplicité, donc on a beaucoup parlé de la séance précédente. Il y a eu même un débat qui a continué sur... faut-il culpabiliser le chercheur pour son double discours, son double, etc. ou pas, c'est-à-dire où effectivement on a des visées de critique, d'émancipation, etc., et en même temps on va utiliser les appareils de légitimité, de financement, de réseautage, tout ce qu'on veut, qui finissent par nous prendre notre temps, évidemment, très vite. C'est-à-dire qu'une conversation gratuite est bornée par le nombre de mails acquis juste après, quoi, pour pouvoir ne serait-ce que traiter les mails qui, eux, ne sont pas à détruire dans le flux, et donc retrouver un temps à soi, quoi. Et là, donc, il y a plein de gens. Donc, moi, je pense qu'il y a plein de mouvements qui ont émergé, qui sont restés un peu en suspension, là, des excellences, slow science, sur le modèle de slow food, mais bon... la déconnexion qui arrive, c'est-à-dire par exemple réapprendre à ne pas se connecter en permanence, et donc effectivement il les fout en l'air là, tout leur système de new tech, c'est-à-dire qu'au fond si tu vas plus sur Facebook, enfin pour Arnaud ça va être dur de plus aller sur Twitter, mais tu dois faire une cure de désintoxication. D'ailleurs, les gens vont se demander ce qui se passe, là, t'es pas sur Twitter actuellement. Non, mais comment arriver à... Ça passe par des choses comme ça, extrêmement simples, qu'on peut commencer à remettre en discussion, c'est-à-dire, au fond, une écologie, on retrouve des vieux thèmes de la vie collective. Alors, je suis d'accord, ça commence par des choses très locales. Et ça peut ou pas produire des effets Parce que le grand collectif, la marée humaine. Oui. Pardon. On ne va pas reprocher à certains d'avoir des initiatives, mais il y a un côté, justement, c'est le risque d'aller à l'échec. Quoi. C'est-à-dire, c'est quoi une marée humaine ? C'est à partir de combien ? 80 000 personnes dans la rue ? Alors, avec maintenant des médias qui mesurent pour être sûr, etc. Ouais, à mon avis, c'est dans nos milieux, c'est foutu. Enfin, c'est... Alors, oui, il y a des gens qui cliquent sur le site CEDU. Il y a peu mais en fait, aux étudiants, j'en pensais à ça en même temps, les étudiants n'ont pas beaucoup leur place, sur ce site, tu ne trouves pas assez. Ah bon ? Ah bah, ils ont bien pris leur place, mais oui. Actuellement, il y a une tension avec la direction de l'école. Réfléchir à tout ce qui vient de dire. Le HESS a joué un jeu au début, un peu double discours, et puis là, ça s'effondre un peu. Bon. Ça prend pas. J'ai pas, enfin, après, c'est à eux d'en parler aussi. Hein. On a essayé. Hein. Nous, on a dû réagir parce qu'ils demandaient un 18 pour tout le monde. Et donc, on a fait un groupe de... on a un groupe qui a essayé de formuler des options et qu'on a soumis à la présidence. Et ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu une manipulation bizarre. Je ne sais pas si tu es au courant. Quelqu'un a été affiché une version intermédiaire de la lettre sur la porte de la responsable du truc. Donc, Prochasson a piqué une colère. Bon, c'est absolument banal. Et du coup, ils ont cherché les responsables. Comme par hasard, des leaders du Sud a été tout de suite convoqué. Alors qu'il y avait un vrai mouvement collectif d'essayer de trouver une solution pour éviter la séparation. Donc, on est dans des micro-politiques extrêmement complexes, c'est vrai. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs dans chaque université, il y a des processus alors à la fois qui se finissent toujours par une évacuation plus ou moins violente, etc. Enfin, Nanterre, ça a été particulièrement spectaculaire, mais Toulouse, c'était pas mal aussi. À Bordeaux, il y a eu des scènes aussi violentes, Montpellier. Mais en même temps, on voit que chaque univers a sa logique propre, quoi. Et c'est assez difficile à décoder à distance. À Paris 8, il y a du presque bloqué, mais pas bloqué. Voilà. Ici, on a une ZAD, en fait. Le 96, c'est devenu une ZAD. C'est assez intéressant. Alors, ils occupent leur espace qui leur est maintenant réservé après un mouvement l'année dernière où les étudiants de l'école en avaient marre de ne pas avoir de locaux. Et donc, finalement, on leur a concédé ce qui est devenu la brèche. Mais du coup, ils ont colonisé un peu quand même l'espace du 96. Et notre salle, d'ailleurs. Voilà, ce qui avait eu cette espèce d'affrontement enfin, avec la police lorsque le 1er mai, il y a eu des gens qui sont venus se réfugier. Et donc, il y a une enceinte comme ça. Et non, on n'ose presque plus y aller parce qu'on s'est dit, si j'y vais, il faut que j'ai des raisons d'y aller. Quoi. Voilà. Mais ça crée une séparation des mondes. Quoi. Ça, c'est un problème. C'est la fameuse segmentation. Oui. Parce que ces étudiants-là passent leur temps à faire des ateliers, des meetings extraordinairement inventifs et qui pourraient nous enseigner sur la absolument manière d'enseigner, de faire, de diffuser des savoirs, etc. Ils avaient organisé quelque chose sur les violences policières. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Ben non. Non, ça c'est un problème. On a essayé de relancer la formule de 2009 qui était « ouvrons les séminaires ». Et moi je pensais qu'il allait y en avoir. Et ça n'a pas pris. Ben, actuellement, il y a un repli conservateur assez fort du corps enseignant de l'UHESS, mais qui est aussi lié à un contexte, celui notamment de la crise avec PSL. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie incertitude sur l'avenir de cette école, et donc les gens ne veulent pas en rajouter. Enfin, il y a un sentiment d'inquiétude sur l'enchaînement, la réaction en chaîne qui pourrait faire décider très haut là-haut que bon, cette école est vraiment de notre temps, il est temps peut-être de la fermer. Enfin bon, c'est des figures, hein, c'est pas. Je pense, mais enfin, je sais pas, Yves qui est venu, tu peux peut-être donner ton avis. Je suis venu pour reprendre contact, parce que j'étais pas là pendant un mois et demi, Oui, il y a hier. J'ai pas participé à ça, mais je suis assez d'accord avec ce que tu formules. C'est-à-dire que je suis très frappé par ce que tu appelles le repli conservateur du corps enseignant. Il y a eu des interventions sur la liste générale de discussion invraisemblables, de mise en cause du mouvement, du taux du mouvement, etc. Moi, parfaitement réactionnaire, si on peut le dire. Et donc, je pense aussi qu'effectivement, il y a cette pression de PSL Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. Dans les mouvements précédents, il n'y avait pas non plus d'enseignants qui se déplaçaient tellement vers les âgés, qui participaient. Il n'y a jamais eu tellement à l'école. En 2009, un peu plus quand même. Là, j'ai mal à moi. Non, mais voilà, donc. Moi, je défends beaucoup l'idée de micro-monde nécessaire à une multiplication d'expériences, de ce qu'on appelle résistance, avec prudence sur aussi la manière dont les mots d'ordre, finalement, finissent par tétaniser un peu. Voilà, parce que pour avoir une famille de résistants, notamment dans le nord du Périgord et Limousin, donc, avec les Guingouins et compagnie, c'est des gens quand même qui ne se vantaient pas de résister, quoi. Ils n'avaient pas intérêt d'ailleurs. Donc dans la résistance, il y a une dimension de clandestinité qui est intéressante. Et donc faire des choses clandestines, en tout cas, qui ne sont pas forcément vouées à être d'abord mises en vitrine, c'est important de laisser se développer, de l'accompagner. Donc là, effectivement, on a un rôle en tant qu'enseignant-chercheur de permettre ce genre de choses. Après, l'institution nous compresse, enfin nous rend la vie impossible de ce point de vue-là. Il faut échapper, il faut effectivement retourner, ça Arnaud sait très bien le faire, donc il faut faire des écoles d'été ou d'hiver pour apprendre à retourner les contraintes, à retourner les demandes de justification notamment. Tu fais très bien aussi. Moi par exemple, on nous a demandé un compte, pour la première fois dans l'école un compte-rendu d'activité individuelle. Qui brise complètement une tradition qui était, on présentait chaque séminaire, faisait son compte-rendu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une crise des comptes-rendus pas remis à un moment donné. Ça faisait dans le tableau, il paraît que la Cour des comptes a dit quelque chose, il paraît. Enfin, on ne sait pas trop. Donc, du coup, ils sont passés à un autre régime qui ressemble plus au CNRS, où il y a le RIBAC, les marchés comme ça. Donc, on doit faire son compte-rendu. Donc là, ils sont dans la panade. J'ai eu le Carcenti qui m'a dit ça ce matin, parce qu'ils ne savent pas comment traiter la diversité des manières dont les gens ont répondu à un truc qui était complètement nouveau. Donc c'est génial. Les gens disent, mais vas-y, mais mettez-le en ligne et qu'on voit ce que ça donne. Toi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que il se trouve que j'ai un logiciel générateur de variations à l'infini. Donc j'ai fait à peu près 30 millions de versions. Parce qu'il prend de manière aléatoire des bouts de mon activité de l'année et il les combine. Alors finalement, j'en ai choisi une où il y avait tous mes étudiants étaient cités, mes doctorants. Ils existent dans le compte-rendu. J'ai un peu triché. Mais on peut s'amuser, c'est-à-dire qu'on peut, et donc la première phrase du compte-rendu, c'est-à-dire ce compte-rendu a été généré par un générateur automatique, etc. Personne ne l'a lu, visiblement, puisque ce n'est pas rendu compte. Mais on le fait quand même, c'est-à-dire que, donc voilà, on peut faire des fakes, justement, on va beaucoup rigoler avec les fakes, de toute façon, on entre dans une période où on va tous faire des manipulations d'informations, visiblement. Et donc il y a ce genre d'activité. Ça grippe à la machine si il n'est pas lu. Alors, grippe à la machine, ça c'est intéressant, hein, parce que c'est une tentation forte. On a beaucoup de mal quand même à gripper vraiment le système. On donne beaucoup. Là, moi, par exemple, il y a 610 candidats pour les post-docs à l'école. Il y a 10 postes, c'est ça ? Enfin, 10 postes. 10 contrats d'un an. Hein. Ouais. Et du coup, il faut 3 rapporteurs par candidat, pour être sûr qu'on puisse prendre une décision rapidement, avec des injonctions très fortes de dire mais saquez-les, quoi. En gros, c'est ça qui est dit. Hein. Saquez-les pour qu'il n'y ait pas à plus partout. Quoi. Et on devrait ne pas le faire. On devrait dire c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, il y a un problème. Et ben, j'ai passé un dimanche après-midi à faire mes 4 évaluations et j'ai vu un collègue le lendemain, il dit moi j'en avais 7, t'as de la chance, etc. J'ai dit bah ouais. Mais... Et donc, on fait tous ce boulot. Pourquoi ? Pour ne pas être grondé par le vice-président, pour... Ben, voilà, donc c'est vrai que gripper la machine, c'est un truc qui est de plus en plus difficile, parce qu'on est, trop généreux, quelque part, on est pris au piège de nos propres valeurs. Enfin... Et là, ça pose la question du pouvoir de nuisance aussi, non ? Enfin, parce que ça fait... enfin, j'étais juste venu la dernière fois, et là, c'est la deuxième fois. Et donc, c'est peut-être très basique, hein, parce que j'ai pas une grande expérience. Moi, je suis post-doc, là, en première année, dans un ERC. Et il y a une question qu'on n'a pas posée, mais qui m'a fait penser, François, quand vous disiez au début, la distinction SLU-SLR, donc la distinction entre chargé de recherche, enseignant-chercheur, et justement, le pouvoir de nuisance, en fait, quoi. Enfin, on n'en a pas encore débattu, c'est... S'il faut engager un rapport de force, outre des formes de résistance individuelle et tout, je pense que ça ne sera pas suffisant en fait par rapport à ce qu'il y a en face. Et du coup, ça pose la question du pouvoir de nuisance. Et du coup, il me semble que autant les enseignants-chercheurs peuvent voir le pouvoir de nuisance par rapport à donner des cours, corriger ou pas des examens, etc. Du côté des chargés de recherche, c'est pas exactement la même chose. Bon, quoi, je vais arrêter de publier. Bon, voilà. Oui, bah, vas-y. Enfin, et du coup, peut-être aussi, ça pose la question du rapport entre ces différents statuts, en fait, des coopérations ou des articulations entre les deux, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a vraiment une réflexion à mener sur est-ce qu'on a un pouvoir de nuisance, est-ce qu'en fait, en tant que universitaire, on a des outils, des formes de pouvoir spécifiques, en fait, qu'on peut mettre en jeu, quoi. Comme par exemple un cheminot, bon ben bah, voilà, il bloque un train, bah c'est très tangible. Sauf que d'un certain point de vue, je te tutoie. Parce que, ouais, bien sûr. C'est ce que tu viens de faire en fait. C'est-à-dire qu'un lieu comme celui-ci, alors je les ai pas recensés tous, mais c'est quand même extrêmement rare. Et je connais pas l'historique du séminaire, mais c'est rare et c'est une chose. Je viens d'un labo d'histoire sociale. Qui n'est pas très loin d'ici, enfin peu importe, mais sur lesquels on a beaucoup réfléchi à ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place des lieux où cette parole-là existe? C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal de dire je suis post-doc et ben, moi ça ne va pas, ça ne fonctionne pas et je le fais savoir. Enfin, encore que moi, dans mon cas, j'ai un post-doc de 3 ans, je ne suis pas le. Ouais, plein. Enfin, peut-être que c'est terrible, ça, mais... ça, c'est une mauvaise manière de prendre les choses parce qu'il y a toujours plus ou moins. Oui, oui, oui. Mais en revanche, de faire exister des lieux de... Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un niveau. Par rapport... Oui, non, je pense que c'est important. Moi, je plaidais, c'est ce que je disais dans le bouquin, des lieux pour faire exister ce genre de choses-là. On n'est pas à court de munitions, quand même. Et les séminaires, et les colloques, et les revues. Publier un numéro de revue entier sur cette question-là et se dire, on prend à bras le corps et voilà, je prends ma part de... je décris ce qui, la façon dont je le vis, bien ou mal, et je dis ce qui ne va pas. Je pense qu'on en a des munitions. Oui. Elles sont pas... Elles n'ont pas l'air d'être... Poser et partager un diagnostic, mais... C'est déjà plus que ça. Je pensais aux intermittents du spectacle, parce qu'à un moment donné, j'avais comparé les deux mouvements en 2003, 4, 5, là, les chercheurs et les intermittents comme justement des mouvements sociaux un peu inattendus, enfin, moins habituels que ceux qu'on avait. Et les intermittents, bon, c'est des artistes, alors évidemment, ils avaient des capacités d'invention incroyables, mais il y a cette idée d'utiliser des lieux, alors des friches, des lieux de spectacle, d'aller chercher des alliés inattendus, etc. Et des blocages importants. Voilà, et le boycott, par exemple, organiser des colloques en poussant la direction de l'université à inviter un ministre et puis vider ce jour-là, faire en sorte que l'amphi soit vide, ça peut produire des effets incroyables. Alors, j'ai vu ça, j'ai vu des gens venir, etc., et puis il n'y avait personne, quoi. C'était terrifiant. Et donc, on peut très bien produire des effets de contraste qui rendent visible qu'il y a un malaise, quoi. Et en tout cas, c'est vrai que ça reste très symbolique parce que. On a une espèce de pacte non violent qui est quand même. Là aussi, il faudrait réfléchir. J'ai qu'un bouquin qui est sorti qui revient là-dessus, qui critique. Là. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai vu. Dans Mediapart, il y avait un petit. Sur l'idée qu'il faut arrêter avec ce pacte de non-violence parce que c'est l'inefficacité assurée des mouvements sociaux. Mais bon, je ne sais pas jusqu'où il va, le gars, parce que. C'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, enfin, non, mais le rapport de force, en général, il demande d'aller un peu plus loin que sortir de la zone de confort. Allez, oui. C'est qu'on arrive à se persuader nous-mêmes que ce qu'on fait ne sert à rien. Parce que là, que la recherche, en fait, ça, c'est là, ce que tu viens de dire, c'est. Si je m'arrête de travailler, en gros, c'est bon, tout le monde s'en fout. Donc, s'en fout pas, mais les gens qui. Enfin, selon les critères du pouvoir dominant. Oui, non, mais c'est ça, mais le truc, c'est que ça fait des années que, par exemple, en changeant la façon de financer la recherche, en passant. On est quand même les enseignants-chercheurs et les chercheurs les seuls qui doivent chercher eux-mêmes leurs moyens de travailler, alors qu'on les embauche avec Bac plus. 8 pour les profs ou les directeurs de recherche, on ne sait pas combien, avec la GR, etc. Et on arrive là, et on doit mendier le truc, et on doit expliquer nous-mêmes que, en fait, on nous a embauchés pour faire un travail, mais qu'il y a 13 ans. Là, j'ai entendu une fille qui bosse à Paris 8, au service de la valorisation de la recherche, me dit, oui, alors, dans les trucs HRS, mettez bien tous les projets, parce que si vous avez des projets, ça prouve que vous faites une bonne recherche. C'est ça. Ah, d'accord. Et donc, si vous n'en avez pas, ça prouve que, voilà, alors, du coup, c'est très compliqué. J'imagine que, alors, je sais pas, moi, je suis en sciences, mais j'imagine que en études du Moyen-Âge médiéval anglaise, je sais pas, ça doit être super compliqué d'avoir des financements chez industriels ou d'avoir des financements sur projet. Donc ça veut dire que ça sert à rien tout ça, quoi. Et là, on arrive à tel point de s'auto-dévaloriser, c'est-à-dire de dire en fait, bon, bah voilà, moi, si on nous persuade nous-mêmes, avec ça fait quand même 20 ans de bourrage de crâne, qu'en fait, voilà, mais non, si on nous a embauchés pour faire un taf, c'est que ça fait important. Et donc, il y a quelque chose à un moment. Je pense que les raisons pour lesquelles on a toujours échoué, depuis 20 ans, c'est qu'on n'est pas capable et moi le premier, c'est qu'on n'est pas capable de faire grève. C'est-à-dire que quand on fait grève, on bosse. On fait les papiers le soir. Moi, j'ai des collègues qui étaient dans les manifs qui écrivent leur ANR, leur demande d'ANR la nuit suivante, etc. Et c'est vraiment un comportement schizophrène, en fait. Mais je pense qu'à un moment, il faut se dire, mais non, voilà, si on veut... Enfin, d'accord, les ouvriers dans une usine, ils peuvent bloquer le stock et la production, et c'est ça qui fait réagir le patron, parce que lui, à partir du moment où il gagne plus d'argent, il a l'impression d'en perdre. Les cheminots, ils peuvent bloquer. Et nous, il y a un moment où on peut aussi dire, oui, si on arrête de travailler, ça peut avoir un sens comme pour les autres. Et effectivement, bloquer... Alors là, je vais juste faire un petit truc sur Paris 8, parce que je suis à Paris 8 aussi. Ce qui est très bizarre, parce que tu disais tout à l'heure, les résistants, ils étaient discrets, etc. Mais là, on arrive à un point de discrétion dans les résistants à Paris 8, qui est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe, je ne sais même pas combien ils sont, 20, 30, probablement pas plus, et quand je dis 30, je suis probablement qui bloque. Mais qui bloque quoi, en fait? Ils bloquent rien, ils sont invisibles, on les voit. Vous avez vu dans les dernières manifestations, une banderole étudiante Paris 8, Paris 8 bloqué, etc. Et donc, ils sont dans leur petit entre-soi, là, et puis ils font très très peur à la présidente de Paris 8, par contre, ça c'est machin. Ils font des acteurs révolutionnaires fantastiques, j'appelle ça le fait. C'est révolutionnaire de Vegan Excite. Je ne savais pas. C'était bête. Ça dépend sur qui. Maintenant, dans la nature, même juste pour qu'il soit vide, pour que s'il y ait feu, on puisse pas l'utiliser. En gros, c'est ça qui est. C'est un acte révolutionnaire. Et si vous n'avez pas compris ça, vous êtes un peu bête. Pas bon. Voilà. Le truc à Paris 8, c'est vraiment très bizarre parce qu'en fait, ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Ils sortent nulle part. Enfin, voilà, on les voit nulle part. Personne ne sait que Paris 8 est bloqué. Je veux dire, c'est. À part peut-être les gens qui sont ici, parce que. Mais à Saint-Denis, dans la ville, les gens de Saint-Denis, et même les universitaires d'un petit peu partout. Ah, elle est bloquée, ta valeur, vous ne savez pas. Personne ne le sait, effectivement, parce qu'en fait, elle est essentiellement aujourd'hui bloquée par la présidence qui a peur de. Je ne sais pas trop quoi, mais. Voilà, c'est la présidence qui ferme les salles, qui met les vigies, etc. Mais en fait, il n'y a pas. Vous n'avez aucun étudiant à l'entrée qui vous dit. C'est bloqué, qu'est-ce qu'on veut faire? Rigolo. Je suis d'accord sur le truc, mais si tu veux, d'abord les résistants dont je parlais, ils faisaient quand même des sabotages. Ah oui, c'est ça, ils avaient une action visible. Ils existaient, enfin bon. Non, mais là, la question, c'est par exemple, si on se donne comme discipline d'arrêter de balancer des conneries sur Twitter, sur mail, sur Facebook, par exemple, la petite phrase de Macron, le machin, on se fout royalement. On les fait pas plus exister que ça, ces gens-là. Ils ont fait remonter, justement, ces trucs-là. On prend la responsabilité d'accroître la visibilité de choses qui sont pas visibles. Parce que là aussi, il y a une espèce de gaspillage d'énergie qui est considérable sur des trucs, franchement, dont on sait d'avance que le lendemain, c'est oublié. Et là, je trouve qu'il y a un réapprentissage à faire de ce qui vaut la peine d'être mis en circulation et d'arrêter de prendre le flux, au fond, de se faire avoir par le flux comme on le fait. Et je vois bien, moi, les forwards, les retweets, les machins, etc. Et encore, je suis loin d'être accro. Là, je vais interrompre le flux, hein, pour Non, mais il faut qu'on passe. Voilà. Oui, parce que là, on a dit. Je pense que ça dévie. Il va en mettre un peu d'or dans ce. Ouais. Dans ce j'irai plus vite et tu iras plus vite. Non, mais si.